fais du mal, tu me fais du mal, on se fait du mal, mais pourquoi? Être avec toi ou ne pas l'être, tu partages, je sais pas. Je regrette, je suis indécis face à la situation. Ma haine a mis KO notre relation. Réfléchissons.